Noël à Séville, par René Mézeroy. Je me rappelle une chanson d'offrande si douce, si tendre, si chaude, si meurtrie, qu'elle m'émeut à en pleurer, à en rêver. Une pauvre petite chanson de gitane, que j'entendis, il y a des jours et des jours, à Séville, dans la nuit sainte de Noël. C'était au milieu de je ne sais plus quelle humble et lointaine calée du vieux quartier de la Macarena. Le ciel entre les maisons s'élargissait, profond, splendide comme une nef de cathédrale, où scintillent d'innombrables cierges. La lune y balançait sa conque de nacre et d'argent telle qu'un ex-voto merveilleux. L'office nocturne venait de finir. Les 24 cloches de la Giralda sonnaient sans trêve, semaient de la joie et de la quiétude sur toute la ville en fête. D'un pas alerte et impatient, avec des rires et des cris, avec de claires œillades sous les mantilles, avec des gestes frileux, les couples, leurs livres de messe aux doigts, se hâtaient vers les tables de réveillon. Les fenêtres brillaient, les fumées montaient au-dessus des toits, fouettées par le vent, s'éparpillaient pareilles à des floches de duvet. L'air vif et léger charriait de persistantes odeurs de dinde rôti, de friture à l'huile et à l'ail, de tomates et d'oranges. Et comme je passais devant la porte ouverte d'un misérable cabaret, je vis des ouvriers endimanchés qui buvaient à plein verre du vin épais comme de la terre mêlée de sang, et adossés à la cloison, le regard douloureux, perdu, noyé dans les prunelles d'or fluide d'un guitarero qui l'accompagnait en sourdine, une chanteuse jeune et jolie. Elle avait des cheveux de la nuance des feuilles mortes, un visage de soumission et d'angoisse passionnée, qui vous faisait songer à quelque rose délicate que l'on a un peu piétinée. Elle roucoulait d'une voix étrange, aiguë comme un cri de souffrance, langoureuse comme un aveu d'adoration. En ouvrant sans précaution ta lettre, maître chéri, j'ai laissé tomber ton cœur, il est tombé dans mon sein. Je lui ai donné abri, mais faute de place pour deux, je t'envoie le mien, et le tien me reste. Ah, cette chanson d'amoureuse blessée, qui dominait les chocs des verres et la rumeur solennelle des cloches de paix et d'espoir !